Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle. Bonsoir à tous, bienvenue dans Freestyle, votre émission consacrée aux cultures urbaines de Tournord à Blois, 93 FM, 94.7 FM. C'est sur Radioactive que ça se passe. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pas un, mais deux rappeurs ici du 95, monsieur Zico Cap yes. et monsieur Ger Esteban. Bonsoir les gars, bienvenue sur Radioactive. Merci. J'espère que vous avez fait bonne route les gars. Ouais, on a fait bonne route. Cool. On a traversé les étapes, les villages. Les villages pour arriver jusqu'à la ville royale. Voilà. Les champs, les trucs. Non, c'est un super beau coin. Ouais, ouais, le bord de Loire, Amboise et tout. C'est super touristique. C'est ouais, vachement bien. Franchement, c'est pas mal. Les gars, vous êtes là pour présenter votre nouveau projet qui s'appelle Blood Brother. Ok. Blood Brother. Super. Combien de titres? Il y a 14 titres. 14 titres, ok. Zico, yes. Monsieur Zico Cap, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours jusqu'ici? Alors, donc artiste solo, comme tu as dit, ouais. Issu du 95, Sarcelles. Donc ouais, ça fait un bout de temps maintenant, on a fait pas mal de trucs, donc, quoi, il doit avoir au moins depuis 95-96. On a commencé à enchaîner les trucs, ouais, ça après... Ça commence à dater, ouais. Ouais, bah ouais, première compile en 99, ouais. Gare Sarcelles. Mmh. Premier truc un peu dans les bacs, tu vois. T'as dû avoir de belles collabs déjà, parce que 95, déjà, c'est un secteur... Enfin, voilà, ouais, c'est un gros vivier de rappeurs. T'as quoi comme collab un petit peu? J'ai quoi? J'ai travaillé avec Stomy Bugsy. Ouais. JP des Deux Doigts, Jackie ouais. Deneg Marron. Ouais. Avec pas mal d'artistes, hein. Il y en a pratiquement avec enfin pas avec tout le monde, mais avec une bonne partie des... Ouais, t'en connais beaucoup, quoi, tu vois, ouais, enfin, voilà, c'est, quoi. C'est clair que j'en connais pas mal. Ouais, ouais, normal. Et là, donc, t'as sorti plein de choses avant ça, du coup. Ouais, j'ai sorti pas mal d'albums, street albums, maxi, comme... À l'époque, les maxi, c'était le truc à faire en premier. J'ai fait maxi, album, j'ai fait des mixtapes, après j'ai fait plein d'apparitions par-ci, par-là, clips... Et voilà, donc là, après, maintenant, après, on a eu une petite pause, tout ça, et là, on est revenu depuis 2-3 ans, on est retourné dans le bain. Le charbon. Voilà, comme c'est moi, ça. Un peu la même trajectoire. Voilà. Beaucoup de présence avant. La famille, ouais. tout ça. Et là, on revient en mode. Hein. Et il y a un an et demi, on a sorti le projet Co-Destruction avec Lo 47. Avec monsieur Lo 47, qui est bien connu ici et qui va l'être encore plus. Je fais juste une petite vas-y. Parenthèse là-dessus sur monsieur Lo 47, beatmaker, auteur, compositeur, mixage, master. Et il prend bientôt le contrôle d'une émission sur Radioactive. Donc ce sera freestyle côté américain. Ah ouais. Puisque moi j'ai déjà le freestyle côté français en fait. Okay. Et donc lui on enchaîne. En fait on va changer pour nos auditeurs aussi, on vous informe. C'est pour bientôt, ce sera plus le jeudi soir maintenant, ce sera le samedi soir. Okay. Et 2 heures d'émission d'affilée. Ah. Donc freestyle français et freestyle américain. Ah ouais. Donc big dédicace à Lo 47. Lourd. Bon, on va écouter ça. On va écouter ça. Hein. Ouais. Très bien. Et donc, tu me disais 14 titres. C'est ça. Ouais. Brother, 14 titres. Ok. Ger Esteban, frérot, ton parcours un petit peu. Tes collabs, ton parcours, ce que tu as déjà fait, sorti. Alors, moi, je suis artiste, Sarcelles. Voilà, j'ai commencé en 85. Je suis actif, on va dire, depuis 90, depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Ouais. Bah, je continue à charbonner, mais vraiment que des freestyles, que des sons. Là, j'ai fait mon premier album. Ouais, qui s'appelle Soleil Noir. Soleil Noir, ouais, que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux, effectivement. Produit par DJ Scrozier. Félicitations. Et là, je me suis décidé avec mon pote du collège. Ok. On fait cet album, Blood Brother. Donc artiste, rappeur séparé à la base. C'est ça. Et vous avez créé ce petit truc pour sortir votre projet commun. C'est ça, okay. Exactement. Et donc il y a une suite à ça ou chacun repart après de son côté? Bah en fait, Blood Brother, on se voit souvent de temps en temps, enfin souvent de temps en temps, c'est bizarre ce que je viens de dire. On se voit en fait pour faire des morceaux ensemble et ça, c'est plutôt dans le délire Blood Brother, tu vois. Ouais. Mais après on fait chacun nos trucs, nos affaires à droite à gauche. Et après de temps en temps on se réunit, on fait des trucs, tu vois. Mais okay. On n'a jamais vraiment sorti un album et c'est pour ça que là on a décidé de le sortir... Voilà quoi. On va découvrir un petit premier morceau déjà de... Alors c'est pas Blood Brothers du coup le premier morceau. Non, il est ici parce qu'en fait tu nous fais découvrir des projets qui sont déjà sortis aussi. Ouais. Et du coup là c'est Ultimate. Ultimate Warriors. Ouais. Et c'est quel du coup c'est quel projet? Co-destruction. Donc le fameux projet avec Lo 47. C'est ça. Qui est à la prod dessus. Qui est sorti l'année dernière. Super fort. Septembre 2024. Septembre 2024. Le 11 septembre. Et du coup, t'es tout seul là-dessus? Non, bah je suis avec Jer. Ah bah, tout. Ouais, okay, vous êtes tous les deux. Je fais le malade, je suis le foutaré dedans. Yeah. Et Lo 47 est trop fort, les mecs. Et ben, écoutez, je vous propose de découvrir leur univers. Le titre du son, tu me dis, c'est Ultimate Warriors. Zico Cap, Jair Esteban, yes. Ultimate Warriors sur Radioactive. A tout de suite. On monte sur ce putain de ring. 5-200. Un putain de massacre. Et que tout ça empire revient, on montre notre empire. Voix cassée avec la canine d'un putain de vampire. Au pire, sans canin, t'es le Snoop Dogg mais pas canin. Ta femme dès qu'elle m'écoute, c'est toujours canin. C'est pas le malin, je reste toujours psycho comme psycho Kiko. Je te pique au micro comme cette abeille de sortie profonde des égouts de Sarcelles. Monte les décibels, Blood Brother en mode une chasse à fou, hip hop strictly, crie à la Onyx. Sticky, la rue, la jungle, croise que des mecs, stick me. Ma gueule sur les stickers, ouais. Pas de victime, pas de big meal. Ta face sous mes sneakers, fonce des, même en midweek. Fais péter les speakers, sans que ça grésille. T'aimes pas, prends les grosses ailes. Flow place du Brésil, on s'est gosille. Gosier, les éborilles et les govels qu'on les pousille. Pas de cover, OG, pas de sauveur. N'écoute pas les broutilles, sodomise les brouteuses, ouais. On les pousille, on les pousille. Badass comme le bousy, te fume comme une bougie. Des hanches comme un boogie, pas de clown, pas de buggy. Hey, j'monte sur le ring et fous le bordel comme Ultimate Warrior. Secoue les cordes du ring comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes vocales, me focalise sur l'adversaire dramatique. Entrant ça là, Ultimate Warrior. Hey, j'monte sur le ring et fous le bordel comme Ultimate Warrior. Secoue les cordes du ring comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes vocales, me focalise sur l'adversaire dramatique. Entrant ça là, Ultimate Warrior. Un putain de quarantenaire qu'à qui tenir. Écris des textes par conteneur. Pour me contenir, on vivra pas centenaire. Alors je vais graver des souvenirs sans terre. Fini de s'ouvrir, pas d'avenir dans un cimetière. Vivre recluse n'est pas s'ouvrir. Être ma tepu n'est pas me soutenir. Être rebut, laisser crever l'autre n'est pas super. L'être humain est du père, le diable nous a dupé. Hey, Blood Brother, un film de Palma. Dans la bouche sucrée du rhum. Havana, ça se pavane dans la savane sauvage de Panama. Madonna, Van et Aval. De ça c'est la Copacabana. Hey, viens manger dans ma cabane, mon putain de banana. J'suis le mec qui te monte à nana avec nana. En mode détonnage, la démonte dans le Montana. Avec un sourire salace comme cabatonnage. Hey, j'monte sur le ring et fous le bordel comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes du ring comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes vocales, me focalise sur l'adversaire dramatique. Entrant ça là, Ultimate Warrior. Hey, j'monte sur le ring et fous le bordel comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes du ring comme Ultimate Warrior. J'secoue les cordes vocales, me focalise sur l'adversaire dramatique. Entrant ça là, Cassius Clay. Ou bien Mike Tyson pour boxer les cas suspects. Farouché, tu te couches comme ta pouffe et soufflé. Fais pas le gars musclé, j'suis pas ton chien, personne va museler. Tu suces le premier soir, tu seras pas ma muse, désolé. Ah, j'reste la nounine qui mime avec ma mine. La bibine, ma seule vitamine, vita vivermine. Moi j'anime pour des babines, des chabines sur la bobine. Moi j'ranime, mon homme lave 5 et saline. Tiens, pseudonyme. Pour toi les choses ont pas fini de se corser. Tu te prends pour un bête de rappeur, pour nous t'es juste un cosplay. Arrête de guetter ce qu'il y a dans mon gobelet, gros teubé. Toi-même on t'a grillé, en train de gober, tu me connais. Dans ton rap game, j'suis le cocktail, tu top 10. Pas de cocaine, coquine, on finit tous à l'hôtel. Mais c'est le bon thème, je sais que t'aimes. J'suis comme Ken, survivant, j'crache dans ta meuf la fontaine. Pire qu'une vidéo hard sur ton putain de tel. De retour sur Radioactive, Zico Cap, Jair Esteban, yes, yes. Ultimate Warrior. Yeah, yeah, yeah. Lourd, lourd, lourd l'ambiance, lourd le titre. Ça me fait penser à, ça me fait penser tout de suite à, eh ben, à Arsenic. Je boxe avec les mots. T'as la même, t'as la même cloche dans le son. Ouais, ouais. Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et du coup, ben, du coup, comme on arrive à cette référence, on va faire une petite dédicace à Arsenic, à Arsenic, à Calbo. Si, si. Toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches. Et grosse, grosse, grosse force à vous, grosse force à vous. Grosse pensée à la famille, au gars de Villiers-le-Bel, Lino, Tech. Ah ouais, on pense à vous. Hein. Et repose en paix, Calbo. T'as fait beaucoup de bien à la culture, au rap. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Ouais. Classique, quelques gouttes. Ouais, ouais. Quelques gouttes. Ça ouais. tourne, ça tourne toujours. Quelques gouttes suffisent. Et ouais, spécial dédicace à Arnaud Bex, Bex, Bex et Tex. Vous, Bex, avez, Bex. Vous avez des anecdotes, des rencontres. Ah, des rencontres des avec eux. Raconte-nous un peu, Gère. Black Door. Alors, je les ai rencontrés chez DJ Desch. J'avais 13, 14 ans. C'était le morceau Ball Trap. J'ai vu ces trois crapules arriver. TNT, Lino et CALBO arrivaient avec leur son 3 macacacac à la K. Et je me suis dit, non, non, non, c'est pas possible. Ah, ça, et dès qu'ils ont démarré, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Faut dire aux petits jeunes qu'on parle mais d'un le temps débit, que... Le débit déjà, le débit, comment il démarrait ? Ouais, tu te dis qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de magique. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, t'entends l'enfer remonter à la surface. T'entends hostile. T'entends tout ce truc magique. Ah ouais. Et là, tu te dis, mais... Une inspiration. Une inspiration pour tout ce rap français. Tout ce ils truc. Ils ont marqué toute une génération. Et puis, tous même marqués. Plusieurs générations, j'ai envie de dire. Ah ouais. Parce que... Et je suis super content d'avoir traîné avec eux. Parce qu'ils m'ont appris des phases, des choses dans ma vie. Tiens, écris ça. Kick-moi ça. J'ai jamais compris leur truc, leur magie. Ouais. Leur magie à écrire dans leur texte, l'écriture. C'était quelque chose. Incroyable, mais incroyable. Quelque chose. J'ai vu Lino écrire des pages et des pages comme ça, gratter des pages. Et CALBO, un monstre, mais un cœur pur. Ouais. Paix à son âme, une bougie pour lui. Eh ben, écoutez, on va enchaîner sur un titre. Qui s'appelle Une bougie. Et du coup, il est issu de quel projet ce morceau ? Celui-là, il est issu de l'album Blood Brother. Qui va sortir prochainement, février. Okay. Donc voilà, dédicace à Calbo, Arsenic, Villiers-le-Bel, Sarcelles. Tout le 95. C'est ça. Une bougie sur Radioactive. Yes. J'allume une bougie avant que la vie m'éteigne. J'ai la bougeotte, j'ai peur que la mort m'étreigne. Je veux revoir ces enfants qui portent mes traits. Message d'espoir, appel de détresse. Je veux pas décevoir, mais les revoir. Mes potes partis qui hantent mes rêves. BW Kiko Dundee, vos souvenirs m'élèvent. La tristesse me transperce, l'avenir est en espèce. Repense à vous, j'ai tant de stress. J'pense à Fitch, le moral est en baisse. Le temps blesse, quitte à finir chauve dans un temple. Sans complet trou, certaines gagnent leur vie en topless. Triste avenir, comme triste vie, on maîtrise rien. Les miens me manquent, comme la crise nous suit. Avec la musique, chaque jour je fuis. Laisse scintiller les bougies sur ce requiem. On viendra au cimetière à la place de ceux qui aiment. Laisse pousser les âmes de nos défunts dans ce beau ciel. Respect les anciens, les anciennes, les anciennes. Laisse scintiller les bougies sur ce requiem. On viendra au cimetière à la place de ceux qui aiment. Laisse pousser les âmes de nos défunts dans ce beau ciel. Respect les anciens, les anciennes, les anciennes. J'allume une bougie pour le sang où je suis, là où règne la jalousie. Je me réfugie dans une église, là où les gens parfitent, ça met des fleuchis. Toujours ce sang sur le parfum, y'a pas de vie. Il y a toujours ce sang sur le pavé. La mort emporte toujours sur son passage au fil du temps. Ça s'est aggravé, j'ai gavé. Mais des grands-mères me manquent. Faut voir ce que le vide d'absence nous flanque. Trop de frères sont partis à cause des histoires de gang. Ils partent dans le ciel pour se défaire comme se défend les nuages déchirés par l'orage qui explore ma page et ma rage. La haine et le love ont fait un mariage. Je vous remercie dans le sud, ce qu'on aimait. Les sentiers sont sur les cuillères. On viendra au cimetière à la place de ceux qui s'aiment. Et les âmes de nos défunts dans ce beau ciel. Respect les anciens, les anciennes, les anciennes. Les sentiers, les bougies sont sur les cuillères. On viendra au cimetière à la place de ceux qui s'aiment. Laisse passer les âmes de nos défunts dans ce beau ciel. Respect les anciens, les anciennes, les anciennes. Yeah, yeah, je pense très fort à vous. Sammy Newsy, Jaxi, Yacht, Richie, Psycho, Ahmed, tous les autres, Jody et Samuel aussi. Yeah, yeah. À tous nos défunts, la vie n'est pas finie. On se rejoindra plus tard. Reposez tous en paix. Une bougie disponible sur le projet Blood Brother. C'est ça. Ouais. Bleu, qui sort bleu, bleu. Qui sort donc en courant février. Courant février. C'est ça. Ouais. Donc voilà, voilà. On va parler un petit peu de vous deux, les gars. Ça marche. Vous connaissez depuis combien de temps? Ah, depuis longtemps, hein. Depuis le collège. Hein. Primaire déjà. Ouais, primaire, c'est. Ouais. On s'est aperçu. Primaire, collège. Ouais. Primaire, collège, donc ouais. Ça fait genre. Depuis 30 ans. Non, 40 ans. Non, quand même pas. Non, 30 ans. 30 ans. Ouais, du 30 ans, ouais. Du 30 ans, ouais. On a quel âge, merde. Hé, hey, toi aussi, là. Faut pas dire des bails comme ça, là. Ouais, depuis le club Dorothée, tout ça et tout. Les dinosaures. Ouais, je te jure, hein, les dinosaures, comme ah, tu dis. Ouais, je te jure. Et ouais, donc, c'est quoi qui a, depuis tout petit, en fait, vous rappez un peu ensemble, c'est en ça. Fait, chacun de votre côté. C'est ça. Donc, il fait, habite à côté de chez moi, je rappe depuis de mon côté. Et lui, il rappait aussi de son côté. Et on s'est réunis, on s'est coupé les veines. Et vous avez attendu 30 piges pour faire un projet commun. En fait, il devait sortir déjà il y a peut-être il y a 20 ans. On a eu des problèmes avec des gens, tout ça et tout. On n'a pas pu sortir exactement cet album. Puis moi aussi, j'ai eu des déboires avec la justice, tout ça et tout, tout ça et tout. J'ai pas pu sortir cet album. Et là, maintenant, on est là, on s'est vraiment... C'est fait, ouais, c'est fait, avez... tout est fait. Tout est fait, ouais. Tout est fait, c'est nickel. C'est au mixage, du coup. Voilà, là, il est parti au mix. Ok. Donc, okay. Voilà. Mixage, encore une fois. Mixage. Le mec qui met son nom tout le temps. L'O 47 partout. Toujours le même. Le gars est là partout, tu il sais. Est chaud. 47 L'O. L'O. Ah, MC Chef Gamin. L'O stagne, mais seulement là où ça ne bouge pas. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'on aime. Ah, c'est lui qui gère tout. Si, si. Eh ouais. Les gars, vous avez des réseaux? Ouais, vous on avez a des les... réseaux. Dites-nous un petit peu sur quoi gère, sur quoi on peut te. Gère Esteban, Gère Esteban, J E R R E S T E B A N présente hip hop. Ok. Et ça, c'est FM, sur quel réseau? Sur Facebook, tout ça. Je pense qu'il y a. Insta. Oui, c'est pareil. Gère Esteban présente. YouTube aussi. Oui, voilà. Okay. Gère Esteban. Vous me pouvez contacter. TikTok. Voilà. Pas encore TikTok, mais ça arrive là. Ça arrive, c'est okay. Imminent, ça arrive là. Ok, arrive. Et toi Zico, tous les réseaux sur lesquels on peut te trouver? Bah, Insta, Zico Cap, ZICOCAP, Facebook pour les anciens, Zico Cap, Loki Dor, après sur YouTube, Zico Cap, et puis voilà, hein, ça va sortir toute la liste. Est-ce que vous êtes en téléchargement légal, Spotify, machin? Aussi. Oui, voilà. Vous êtes partout sur toutes les plateformes? Ouais, il s'est fait taper nos noms. Il n'y a pas tous les projets, mais on commence à rajouter petit à petit. Okay. Et voilà, ça commence. Là. Okay. Zico Cap, Gérard Esteban. Sur ça. YouTube et tout, il y a des archives et tout. Il y a des archives, tout ça. Il y a pas mal de trucs. Il y a Insurrection. Il y a des trucs qui datent de même avant 2000. Il y a des archives. Il y a tiroir caché du rap français. Il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs. Ok, super. Faut chercher. Faut être connaisseur si vous aimez ça, si vous êtes passionné. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est ça. De toute façon, les passionnés, ils cherchent. Hein. Bah, les passionnés, ils cherchent le vrai hip-hop. Hein. Ouais. Faut pas chercher Aya Nakamura, tout ça et tout. Nique sa mère. C'est ça. Et tout le monde dit que que le rap un peu de notre époque est foutu. Il est bousillé, il est bousillé. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde en vrai. Et, non, moi non et plus. C'est, je pense, le fait que beaucoup de monde n'y croit pas une seule seconde que ce truc-là est. Et puis, comme on dit, la mode, elle revient tous les 20 ans. Bah, voilà. Donc, c'est comme une horloge. Donc elle va revenir là tout de suite, bientôt. Là. Tu vois, puis, l'horloge. Puis on est toujours là. Et on est toujours tu vois, là. Ça tourne, ça tourne, ça voilà. Tourne, ça tourne, ça va retourner. T'inquiète pas, le rap revient très c'est vite. Ça, c'est ça. On va se refaire un autre morceau, les gars. Vas-y, vous ça marche. Qu'on se fasse Voyage en train. Voyage en train. Bim, bim, okay, bim, c'est bim. Parti. C'est extrait de l'album de Thierry Esteban. Voyage en train, soleil noir. Ça, c'est sur... Braca normal. Et ah, checker ouais. L'album, hein. Du train, la banlieue, ses habitants, les travailleurs mêlés aux pickpocket, les gens de valeur, les femmes coquettes, les roms qui font la manche, les membres estropiés, passagers par avalanche, des regards qui se croisent, des équipes qui t'écrasent, tu peux compter sur toi quand certains parlent de se faire une toile, sur le quai un keuf qui tasse, un grand mélange de culture, je vois des voiles, des kippas, des blancs, des noirs, des renois dans mon casque, ma tête, I see you. Et je regarde le paysage, la musique me transporte, un contrôleur me dévisage, se déplace comme un clofort, balance des amandes à des gens dans le besoin, sale besoin petit sanguin, une société dont personne prend soin, est-ce la fin? Un quotidien marqué sur les visages, les usagers de ce train-train d'enfer, train-train quotidien. Jean-Yves Esteban, Zico Cap, Voyage en train sur Radioactive. Les gars, Voyage en train, qu'est-ce que c'était quoi l'inspiration de base? Vas-y, Jer, explique. Hein. Voyage en train, c'est pour tous les gosses en fait qui ne peuvent pas voyager et qui restent dans le quartier et qui veulent s'épanouir en fait, qui veulent voyager un petit peu. J'ai envie de sortir de ce béton. J'ai envie de voir la mer, j'ai envie de voir ça. Et ils ont que ce petit train. Ce petit train, en fait, il leur fait voyager. Il y a les contrôleurs, il y a tout ça. Et tout. Mais ce petit train, il y a plein de choses magiques. Donc, voyage en train. Okay. Voyage en train. Ok, Gère. Zico, yes. Toi, vu de ton point de vue à bah, toi. Moi, franchement, moi, le voyage en train, pour moi, c'était Sarcelles, Gare du Nord. C'est tout ça. Ce qu'on peut voir, les garbas, les keufs. Et puis tous les aléas, quoi. Ouais, et ouais. Tout le monde qu'on croise. Et même ce train est magique. Hein. C'était plus ça pour moi. C'était plus monter à Paname. Et voilà, juste le temps de 20 minutes de train, ce y que je des vois. Il y a des bagarres, mais c'est magique. Il y a toujours voilà. Un truc magique. Tu peux serrer une meuf, tu peux. Il y a toujours un truc. Il y a des bagarres, mais c'est magique. Il y a toujours un truc. Non, mais c'est ça le 9-5 chez nous, non? C'est magique chez nous. C'est ça. Ouais. Et tu me parles de policiers, de trucs, justement, dans ouais. de ces contrôles, dans ces voyages en train, la politique, ouais. Tout ça, ça t'inspire quoi en ce moment? Moi, franchement, la politique, hein, je m'en occupe pas. Je laisse ça aux autres. Tu laisses ça aux autres. Ouais, je laisse ça aux autres. Mais et toi, gère la politique. Fuck top. Mais les gars, est-ce que quand même vous avez quand même des positions? Ma politique, je suppose, c'est mes parents. Avec tous les sujets actuels, vous avez quand même des positions, je suppose. Ma politique, c'est mes parents. C'est eux qui me donnent à manger, mon assiette. C'est eux. C'est tout. D'accord. Rien à foutre. Donc, si je te parle de... Mes positions. Si je te parle du Congo, si je te parle de oui. Ouïghours, si je te oui. parle de Palestine, si je te oui. parle de... Oui. De voilà, de, tout, oui. de tous les conflits qu'il y a, tout ça, ça vous traverse, en fait. Ça vous non, impacte pas. Ça nous fait très mal. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est triste. C'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire ouais. avec notre voix? Avec notre voix, moi je pense qu'on a quand même cette chance d'avoir un certain ouais. écho. Bah ouais, c'est justement ce que j'allais dire, c'est qu'on a le son pour s'exprimer déjà, tu vois. Déjà ça, s'exprimer. Donc voilà, il y a certains sujets qui peuvent ressortir parfois dans les écrits, mais après on prend pas parti personnellement pour ci ou pour ça, quoi. Moi je veux la paix, c'est tout. Et d'ailleurs on va vous mettre un son, donne-moi la main. Voilà, c'est ça. Ok. Message d'espoir. Message d'espoir et donnez-vous tous la main. Ouais. Et vous tous là, les enfants là, arrêtez vos rixes, tout ça, harcèlement. Allez à l'école, tout ça, tranquillement. Arrêtez, harcelez les enfants, s'il vous plaît. Ouais. Allez à l'école, apprends, fais les choses bien, va à l'école, tranquillou. Et bien sûr, on est contre les génocides, ça par contre, c'est sûr. Ok. C'est ce qui m'intéressait, en fait. Voilà. Ça. Je suis déglingué, je suis le plus foufou, vous. Mais je vous dis les choses bien. Et ben, allez à l'école. Bah, du coup, ça nous emmène... Donne-moi la main et vous donnez tous la main. Ça nous emmène sur... Pas de racisme, rien du tout. Bim, donnez-vous tous la main. Yeah. Gère Esteban voilà. du Coca, l'eau 47. Dans les studios. Yeah, ouais. C'est ça. Et du coup, mon frère, tu donnez-moi la main. Allez, dis-nous un petit peu. Du coup, bah, c'est un message d'espoir à la jeunesse. D'espoir. Hein. Voilà. Union. Voilà. Qu'on arrête de se faire la gueule, d'être les uns contre les autres. La guerre, déjà, qu'on arrête de se faire la guerre. C'est ça. C'est déjà assez dur comme ça. C'est déjà assez dur comme ça, je te jure. Si entre nous, en plus, on n'est pas bien, ça va pas le faire. Eh ben, écoutez, je vous propose de... Ah ouais, non, bah, je reste là pour l'instant. Donnez-moi la main, c'est dispo sur... où sur ça arrive bientôt. Donc c'est sur Blood Brother. Blood Brother, ouais. Qui arrive courant février. C'est ça. Ok, voilà. Ça marche. Donne-moi la main. Mais c'est pas long 47, hein. Toujours. 47 et 47. C'est ça. Donnez-moi la main, Zico Cap. J'ai resté 20 sur la chaîne. Triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des coups. Nanana, la vie est triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des coups. Yo. Moi je te demande de me donner la main. La vie est courte comme un petit frère dans la rue à Marseille. Donne-moi la main. Donne-moi ta main, petit frère de Sarcelles. Avec ton mortier, n'oublie pas le visage de maman. Faut pas que tu sois meurtrier. Passer de l'ombre à la lumière, pas venu faire pleurer dans les chaumières. Du carburant rallume la chaudière. Les larmes n'éteignent pas les flammes de la misère. Donne-moi la main, donne-moi la main. Donne-moi la main, petite sœur. Je sais que la vie est rush. Amène pas 20 ans un enfant, un pitbull dans la brèche. Qui peut t'en sortir, tous ces petits frères? Qui peut t'en sortir, donnez-vous la main. Hey, demain est un autre jour, demain. Demain est un autre jour. Donne-moi la main. Un destin perturbé, respect qui se perd dans la durée. Des pères troublés, des extrémistes adoubés. Tu finis la bouteille, quitte à la voir bouder. C'est chacun pour soi, l'amour c'est terminé, c'est bridé. La vie est triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des tours. Na, na, na, la vie na, est triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des tours. Na, na, na, na, na, na. Pour nos grands-parents, nos parents, je suis paré, je donne la main. Regarde cette souffrance que je sens, donne-moi la main. On n'a rien en commun, cette menace sur la terre, mais c'est nous. La violence et la haine sur nos enfants, c'est nous. Donnez-vous tous la main pour un monde. Problème existentiel, écran circoncis ton potentiel. En nos défaveurs, joue les circonstances. Un constat qui se confirme dans l'inconstance. Triste existence, on s'exhibe, s'exprime. Ton ex publie des photos qui te désinhibent. Entre le réel et le net, y'a un déséquilibre. Je vous regarde, je me demande qui s'équilibre. Pourquoi tu vibres, pour qui tu vis. Donne-moi ta main, oublie tes fils. Quitte tes forts, kiffe la vie, c'est notre devise. Ouais, c'est notre trésor. La vie est triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des tours. La vie est triste, mais donne-moi la main. Sans penser au lendemain. Au jour le jour, les joies nous jouent des tours. Nous jouent des tours. La vie nous joue des tours. Au jour le jour, la vie nous joue des tours. Au jour le jour, la vie nous joue des tours. Au jour le jour, la vie nous joue des tours. Au jour le jour, la vie nous joue des tours. Et Stéphane, c'est comme ça. Au jour le jour, la vie nous joue des tours. Ça dit quoi? Boudé, boudé, boudé, boudé, boudé, boudé, boudé. Tends-nous la main, donne-nous la main. Tu veux me voler, bah mon, faudra me couper la main. Bernard, hey yo, tiens, Zico Cap, Jarre Esteban, yes. Sur Radio Active, donne-moi la main. Yeah, yeah. Un joli message d'espoir, c'est pour ça. Notre jeunesse. Message d'espoir, hein. Il faut un peu. Hein. Ah, parce qu'on ne sait pas où elle va notre jeunesse. Là. C'est ça. Ah. C'est ça. 2026, ça commence pas terrible. Ça commence vraiment mal. Hein. Donc on va essayer de balancer quand même 2-3 trucs un peu positifs. Ouais, bah ouais. Voilà. Ça donne, faut donner. Faut c'est donner ça. De l'espoir. Hein. L'espoir fait vivre, hein, comme voilà. On dit. Hein. C'est ça. Donc voilà. On va renchaîner sur tes personnes. Ok. Tes personnes disponibles sur ICU. ICU, ouais. Ok, donc ton projet déjà voilà, sorti. Voilà, c'est ça, c'est ma mixtape qui est sortie le 7 septembre, il me semble. Disponible sur... Uniquement sur YouTube. Uniquement sur YouTube. Ouais, voilà. ICU. Okay. ICU sur YouTube. Sur YouTube, Zico Cap, on Zico Cap. ICU. Voilà. Okay. ICU, nigga. Tes personnes, ça parle de quoi, ce morceau? Bah, tes personnes, on parle en fait qu'on est personne sur Terre. C'est ça, ouais, en fait, qu'on veut, ouais, dire, c'est que t'as beau, ouais, faire ci, t'as beau, ouais, dire ça, au final, on est personne. On n'est que de passage. Hein. On n'est que de passage. Ah, on, ouais, vient, on part. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on, ouais, essaye de laisser un truc. Pour certains, le temps paraît long, mais pour d'autres, il est court. Hein. Voilà. Donc, il faut charbonner. Pour on charbonne. Une petite trace. C'est pour ça. Un petit truc. C'est pour ça qu'on lâche rien. Ouais. Toujours en feat avec Gère. Toujours. Esteban. Toujours. Il est là. Gère Esteban. Gère. Il est... Il est là. À la très guerre. Efficace, très efficace. Yo, yo, yo. Prod Low 47. Non, non. On va se faire. Non. Non. Ok. On va se faire. Eh ben, on va se faire. Zico Cap, featuring Gère Esteban. Tes personnes. Tes personnes, yes, sur Radioactive. Si. Un. I see you, nigga. Esteban, I see you, nigga. Fuck yeah. Okay, you. Ouais, je mène une vie mal façonnée, pleine de malversations, où rien ne semble fonctionner. Avec le diable en conversation, le karma est actionné. Concertation entre braquage et passion, visage fermé, sans émotion, cœur en émoticône. Quand tu vas canner, des cris quand tu vas cramer. Pas de vacation, voué à vagabonder. Oublie l'époque des récréations, bientôt ta crémation. Quand le créateur, la cloche va sonner, y'aura personne pour t'ovationner, personne pour me raisonner. J'parle des autres, moi-même, j'suis empoisonné par les mystères mystiques, la vie pas conventionnée. J'compte sur personne pour me rationner, ma mère pour me rassurer, mes couilles pour assumer, les flammes pour me consumer. On réussit si on s'y met, avec ma casquette, j'serai toujours un suspect. On se perçoit que tout ira. On te traite de singe comme Taubira. Cette putain de roue jamais ne tournera. On amorce à toutes les personnes et ne regarde pas ta couleur des personnes. On se perçoit que tout ira. On te traite de singe comme Taubira. Cette putain de roue jamais ne tournera. On amorce à toutes les personnes et ne regarde pas ta couleur des personnes. C'est difficile de voir partir ceux qu'on aime du parloir. C'est difficile de voir nos proches partir loin dans ce couloir. C'est difficile de croire dans trop de trolls d'espoir. Tellement de morts autour de moi, j'ai la muerte comme allergie. Entouré de bougies, j'écris un texte d'anthologie avec leur putain d'énergie. Ma grand-mère guide mes pas pour le savoir, pas besoin d'astrologie. Logique ne pas l'écouter serait de l'anthologie. Faire en mode synergie, ceci est le charme magique. Avec la magie, mon âme s'énergie. Plein d'esprits m'entourent dans la régie. D'hémorragie et mémorragie. Sans ça, mon 38 portrait épanoui, je me réfugie. On se perçoit que tout ira. On te traite de singe comme Taubira. Cette putain de roue jamais ne tournera. On amorce à toutes les personnes et ne regarde pas ta couleur des personnes. On se perçoit que tout ira. On te traite de singe comme Taubira. Cette putain de roue jamais ne tournera. On amorce à toutes les personnes et ne regarde pas ta couleur des personnes. Ouais, des personnes. Spécial dédicace, dit Shotgun. C'est dur d'enterrer ses parents. Ça me fait mal, négro. La bise est dit. Ok. On rap, on est vénère. Mais en vrai, on est triste. C'est vrai, on vient de là-bas. C'est Cocap, j'ai resté ban. T'es personne sur Radioactive. T'es personne. T'es personne. T'es personne. Toi aussi, t'es personne. T'es personne. Fierz, t'es personne. Hein? On est personne. On est personne. C'est ça. C'est ça. C'est le concept même du truc. C'est que t'as beau posséder ce que tu veux, faire ce que tu veux, croire que t'es qui tu veux, au final, t'es personne. T'es personne. Voilà. Ouais. Parce de que passage, on en revient là. Quand on te perd, tu perds tout. Voilà. Ouais. Tu possèdes rien. C'est sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta culture, tes influences? Hip-hop for life et tout, mais vraiment hip-hop for life. Yo, MTV Raps, tout ce qu'il y avait avant l'époque, vraiment 90. Et 2000, j'aime bien tout ça et tout, ce genre de délire, tout ça, mais 90 for life. T'as des références à nous citer pour Wu-Tang Chaim, Big Daddy Kane, Soul of My Chief, Far Side. Ouh, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Dying Stars aussi, Onyx. Non, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de trucs d'influence et tout. Vraiment pour tous les kickers. Et si tu transposes ça Big L, en Big France L. En France? Ah. Années 90 en France. Ça va, l'entourage, tout ça et tout, il y a des kickers et tout. Ça continue encore, je vois. Il y a des kickers. Ouais, il y a des kickers encore, là. Mais ils sont cachés. Là. Maintenant, il n'y a que des zookers. C'est ça que tu voulais me dire en hors radio. Oui, il n'y a que des zookers. Non, moi, je t'ai pas dit ça, c'est toi qui m'as dit ça. D'accord, mais j'allais te le dire. Il n'y a que des zookers. Je suis désolé, Gimsou, fucked up. Ça fucked up. Je suis désolé. Mais le zouk, c'est bien. Mais l'afrobeat, ouais, j'aime bien l'afrobeat et tout, tout ça et tout, pour serrer ta petite meuf et tout. Mais j'aime bien le hip-hop, boom bap, ça, yeah, c'est plus serré. Comme référence en France ? En rap français ? Ouais. Ah, c'est difficile. Je dirais, c'est plus 90 X-Men. Ministère Hammer, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, ça, c'est sûr. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme kicker en France ? Qui rappe en France et qui zouk ? Je sais pas, ça c'est tes paroles, t'appartiennent. Ah, c'est moi, je sais pas. Mais... Tes paroles t'appartiennent, moi. Je suis désolé, mais il y en a qui zouk, il y en a qui rappe. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que le style, il est en train de. Après, j'aime bien, hein, faites votre musique, hein, c'est bien. Mais après, il y a le hip-hop, il y a le rap, il y a le zouk. Allez, il y a l'afrobeat, il y a tout ça. On peut tous mélanger, hein. Après, on peut faire tous une belle famille, hein. C'est bien, on est tous ensemble. Bah oui, c'est l'union. Hein, Théodora. L'union fait la force. Je te pète. Ouais, bah il y a plusieurs influences, il y a plein de trucs, il y a quand même des trucs pas mal même à notre époque, faut pas non plus cracher sur tout le monde. Après il y a des mecs qui font du zouk comme tu dis, il y a des mecs qui font des, c'est cool, des, c'est de la musique, voilà, des trucs urbains là, leur truc, voilà, nous c'est de la musique, c'est nous, c'est hip hop, on est hip hop et on reste dans cette catégorie là. Après Aya, je t'aime, moi je respecte ce qui est bon. Après, même si c'est leur truc à eux qu'ils aiment faire, tant que c'est bon, j'aime, tu vois. Si, ouais, je t'aime. Même si j'écoute pas forcément, hein, je vais pas te mentir. Mais voilà, ça reste hip-hop. Ouais, ça reste hip-hop, comme tu dis. Hip-hop, c'est du partage. C'est pour tout le monde. Faut pas que la musique soit fermée pour ça, à chaque critère, ça. Ouais, c'est vrai. C'est de la musique. Moi pour moi, pour moi, tout peut s'accorder avec tout le monde. Exactement, en fait. Je suis très d'accord et, avec et toi. Et je trouve que c'est ça qui fait la diversité de notre mouvement. C'est et tout le monde kiffe. C'est une culture qui vient de toutes les cultures, en fait. C'est ça, exactement. Et tout le monde kiffe. Il y en a pour tous les goûts. En fait, tant que c'est bien fait, moi ça me parle. Si, ça peut être n'importe quel mélange, mais il faut que ce soit bien fait. C'est ça. Faut pas que ça tombe dans la caricature ou dans le truc forcé. Faut que le truc soit authentique, tu vois. Faut que ça reste quand même un truc de bon goût. Tu vois, pour mélanger un tel et un tel, juste pour avoir plus de stream ou plus d'audimat. Après, c'est nul. Ça peut être bien, mais... Si le morceau est bon, tu vois. Tu te lèves le matin, il y a une bonne musique. T'as envie de tout faire toute la journée. Waouh, je vais continuer toute la journée avec cet album. Vas-y, je vais faire ça. Je vais aller au travail avec ça. Mais tu kiffes toute la journée, mon gars. Faut de la musique. Tu kiffes. J'ai un numéro, un sacré numéro. Yes, un sacré. One love pour tout le monde. Ouais, bon. Tout ça pour dire, on reste hip-hop. Et on aime cette culture avant tout. C'est ça. Ouais. C'est voilà, on est là depuis longtemps et on écoute 47, ça depuis longtemps et on fait ça depuis longtemps et on va continuer tant que Dieu le veut, tant que on peut se le permettre, voilà, tant qu'on peut, c'est encore un luxe qu'on a, voilà, ouais. C'est que du parce que ça reste un plaisir et voilà, ouais, grave. On va s'enchaîner sur le dernier titre qu'on fait découvrir. Ok. Blood Brothers. C'est Blood Brothers, ouais. La gâchette. La gâchette, Jer. Ça sort bientôt. L'album, ça sort bientôt, mon Dieu, ça sort en février. J'arrive même pas. Non, va prendre les fèves. Va prendre les fèves dans la galette. Ça sort en février. Blood Brothers. La gâchette. J'appuie sur la gâchette. Inspiré de NTM. Gens, ils nous disent comme quoi on ressemble à NTM. Bon, c'est bien. C'est une référence. Nous, on adore Ministère Hammer, mais NTM, super cool. Mais on nous dit comme quand on ressemble à NTM. Appuie sur la gâchette. Et les jeunes, tous les jeunes de Sarcelles, n'appuyez pas sur la gâchette. Étoile 9-3, 9-2, 9-1, 9-4, 9-5, 9-2, 9-7-2, 9-7-1, 9-7... N'appuyez pas sur la gâchette. Ouais, pourtant, on est de l'école Ministère Hammer, on n'a pas écouté énormément d'NTM. Mais on a déjà eu quelques petits commentaires, alors que pourtant, pas du tout, c'est pas fait exprès quoi, c'est pas ouais. Voilà. Puis... moi c'est le morceau d'NTM de base, moi c'est un morceau que j'ai écouté, réécouté. Ouais. J'adore Joey. Donc on va se faire ce morceau. Bah vas-y, c'est pas Zico Cap, Jair Esteban, La Gâchette sur Radioactive. Blood. Ça se ressent dans le son. B-L-O-O-D pour ton O-D. Z-I-C-O-C-A-P. J-L-W-R Esteban. En 95-14 piges et déjà dans le bain. J'étais dans le train, rejeté dans le tas. J'ai le potin dans tous mes états. Passe les étapes, vénère comme Vegeta. Tu le vois sur mes tempes. J'appuie sur la détente. La défense indécente de janvier à décembre. La République ensemble, incroyable. Si tu m'en sens, ça part dans tous les sens. De toute façon, on va tous finir ensemble. Ensemble, on est tous coincés dans cette route marécageuse. Debout de nos pleurs, on essaye de tenir le bout, malgré les douleurs. Notre peau, notre race. Je suis fier de ma couleur, de ma couleur. Deux doigts sur la gâchette, rien à gâcher. Nettoyage au Karcher, Nicolas va se faire laver. NDN du Love 5, tout craché. Cet album, un crash test, un casse-tête. Le game va finir caché. J'appuie sur cet objet en acier, carnassier. Jamais rassasié, suffit d'une impulsion pour que sorte la foudre et mes pulsions. Vise avec précision, anticipe le recul. Bang bang, fin de la discussion. Bang bang, fin des négociations. Jersey, co, malfaiteur, association. Ne surtout faire aucune dissociation. J'appuie sur le bouton REC. La gâchette de mes ambitions. La gâchette de mes ambitions. J'appuie sur la gâchette. J'appuie sur la gâchette. Gère Esteban, yes, La Gâchette, yes, sur Radioactive. Ouais. Lourd morceau, les gars. Yeah, merci. Hein. Lourd morceau. Merci enfin, l'instru qui me parle ouais. Énormément. T'as vu, bah, toi-même, tu connais un bah, peu oui. mon côté. Voilà, quoi, donc, c'est, ça me parle énormément. Bah, ouais. Et, lourd morceau, les gars. Yeah, lourd, merci. Lourd. Hein. Merci beaucoup. On fait un petit check-up de vos réseaux, les gars. Ça marche. Zico, vas-y. Bah, donc, Zico Cap, Z-I-C-O-C-A-P, sur Insta. Sur Facebook, sur YouTube, sur Thread. Voilà, il n'y a pas de TikTok encore, on va faire ça plus tard. Donc voilà, okay. C'est tout simple. Sur tous les réseaux, Z-I-C-O-C-A-P. Voilà. Ok, ok, ok. Et toi, Jer Esteban, où est-ce qu'on peut te trouver? Tu rappelles tout ça? Ok, moi, c'est Jer Esteban. J-E-2-R-E-S-T-E-B-A-N. C'est bon, tu me check. Tu vas me trouver direct. Jer Esteban. Ok, Jer. Ok, ok. Ce projet. Ça harcèle. Blood Brother. Blood Brother, ouais. Qui sort courant avril. Courant février. Courant février, pardon. T'as vu, je suis déjà loin, frérot. Ouais, ouais, ouais. Tranquille. Tranquille. Pardonne-moi. Et du coup, on invite les gens à venir vous check sur vos réseaux pour suivre, Ils sont pour suivre la sortie. Ils seront les bienvenus. Merci et bientôt plein d'infos, plein de nouveautés. Voilà, ça arrive, hein, de toute façon, l'album. Vous faites un peu de scène? Là, il n'y a pas de scène, là, mais pour l'instant, on se focalise sur le projet. Tu y songes un peu? Voilà. Oui, j'y songe. J'y songe, ouais. Ok, super. Mais pour l'instant, on se focalise sur le projet. Donc voilà. Ok, super. Tranquillement. On arrive au bout de cette émission, les gars. Ok. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci à toi de nous avoir invités. Moi, c'est normal, c'est avec le cœur. Bah, ça fait plaisir. Franchement, très bon moment. Merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous. À bientôt. On se dit à bientôt. À bientôt, février déjà. On va check ça. C'est la fin de cette émission freestyle avec Zico Cap. Jer Esteban, Blood Brother. À bientôt sur Radioactive. Ok. Bienvenue sur Freestyle, l'émission des cultures urbaines. On reprend tout à zéro, on reprend tout à zéro. On s'active sur Radioactive. Faut de l'espoir pour réussir, ici c'est Freestyle.